Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 114e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 7. On est toujours ce lundi soir là pour vous faire découvrir un petit peu les nouveautés du jazz, mais aussi quelques grands classiques et tout. Et nous allons débuter comme d'habitude avec notre générique Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers qui nous accompagnent depuis 5 ans maintenant en ce début d'émission. Pour nous redonner la pêche en ce début de soirée. Merci encore à Vincent d'assurer la technique comme d'habitude avec brio. Et puisqu'on parlait générique, eh bien on va commencer comme d'habitude avec la petite rubrique générique, avec cette fois-ci une surprise que j'ai redécouvert. En fait, je connaissais cette émission et je connaissais ce générique. Mais en fait, au fil de mes tribulations sur Internet et en retrouvant aussi ma petite version de ce morceau sur un beau 45 tours d'époque, 1976, que mon attention donc a été attirée par une émission de radio qui était sur Europe 1, si ma mémoire est bonne, qui s'appelait « À vos souhaits » et qui était animée par Stéphane Collaro, quelques années après avoir aidé au lancement du petit rapporteur à la télévision avec Jacques Martin, Daniel Prévost, Pierre Desproges, Piem et Pierre Bonte. Il faisait sa propre émission sur Europe 1, dans laquelle il y avait une rubrique qui s'appelait « Tous les chemins mènent au Rome », qui est une chronique un peu rigolote avec des imitations d'hommes politiques, de la vie politique française de l'époque. Donc on est en 1976, et donc Stéphane Collaro choisit comme générique, ou quelqu'un l'a peut-être choisi pour lui aussi, un titre qui s'appelle « Honky Tonk Train Blues », et que l'on doit, dans cette version-là, à un certain Keith Emerson, qui était un clavier célèbre dans le monde de la pop anglaise et notamment de ce qu'on appelait à l'époque le rock progressif, puisque c'était lui le Emerson de Emerson, Lake & Palmer, un trio de trois musiciens, donc lui qui était Emerson au clavier, Greg Lake à la basse, guitare et chant, et puis Carl Palmer à la batterie, qui s'était fait une spécialité notamment d'adaptation de morceaux de musique classique en version rock. On oublie aujourd'hui souvent, on se moque un petit peu d'eux comme étant des représentants du rock progressif, mais voilà, ça jouait aussi derrière, ça pulsait, ça envoyait, il y avait vraiment une belle énergie dans cette musique. Il avait auparavant fait partie d'un autre groupe qui œuvrait déjà auparavant dans le même style, qui s'appelait The Nice, qui avait commencé dans les années 65-66 et qui s'était fait connaître sur la même période que Jimi Hendrix, etc., en écumant les clubs de Londres, et qui commençait déjà à reprendre des morceaux de Leonard Bernstein remis au goût rock. Enfin, vraiment un garçon qui passait aussi pas mal de son temps en concert à faire le pitre avec son orgamon qui réussissait à renverser. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un orgamon, mais c'est très très très très très gros pour arriver à le renverser. Faut y aller, quoi. Faut pousser. Et puis de temps en temps, comme ça ne suffisait pas, histoire de faire encore plus de feedback et de larcène, il le lardait aussi de coups de sabre. Hein, histoire de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, un authentique frappadingue. Donc ici, il joue un morceau tout à fait classique du Honky Tonk, justement, Honky Tonk Train Blues, et un morceau très très enlevé, dont il a même fait une version d'ailleurs lors d'une émission TV, cette même année 76, en compagnie, ni plus ni moins, de Oscar Peterson. Voilà, ils jouent chacun le morceau à la suite l'un de l'autre, avec leur propre trio, et c'est assez étonnant à voir. Allez voir ça, ça figure sur YouTube notamment. Et c'est assez intéressant de voir leurs deux styles assez opposés, mais bien complémentaires aussi en même temps. Voilà, on écoute tout de suite Keith Emerson, générique de l'émission À vos souhaits de Stéphane Collaro en 1976. We'll be right back. C'était donc Honky Tonk Train Blues de Keith Emerson, servant à l'époque, en 1976-77, de générique à l'émission À vos souhaits de Stéphane Collaro. Une sorte de choc de culture. Keith Emerson et Stéphane Collaro, c'est pas vraiment le même style de personnage. Mais bon, voilà, ça nous donne quand même un intéressant... micmac entre les deux. On va passer tout de suite au coup de cœur et on va commencer avec une de mes chanteuses préférées de ces dernières années. On a déjà eu en coup de cœur, notamment avec l'album Oiselle, il y a presque 2 ans maintenant. C'est Marion Rampal. Marion Rampal qui revient le mois prochain avec un nouvel album, un album hommage à la chanteuse Abbey Lincoln. L'album s'appelle Song for Abbey, donc. Et elle y rend hommage donc à cette chanteuse assez exceptionnelle, Abbey Lincoln, une chanteuse qui était promise à une belle carrière pleine de succès dans le monde du jazz, mais qui a choisi au début des années 60, en rencontrant un certain Max Roach, batteur de son état, mais surtout fervent défenseur du mouvement des droits civiques aux États-Unis à l'époque, a décidé, en devenant sa muse et sa compagne, de laisser de côté l'aspect un petit peu facile d'une carrière musicale tranquille, et elle a décidé d'être toujours chanteuse, etc., mais aussi d'être activiste pour les droits civiques des Noirs américains et d'en faire son métier. C'est-à-dire qu'elle était chanteuse, mais aussi porte-parole de ce mouvement. Et à partir de ce moment-là, elle a choisi ses albums et ses chansons et ce qu'elle reprenait, éventuellement ce qu'elle écrivait, en le mettant dans l'axe de cette lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Et ceci jusque dans les années 90 et début 2000, puisque sa carrière a duré tout ce temps-là. Alors c'est une carrière qu'on connaît pas forcément très très bien quand on ne suit pas le jazz de près, mais elle est vraiment riche d'une grande grande discographie et d'une belle discographie qui n'a peut-être pas eu le succès qu'elle aurait pu avoir si elle était restée un petit peu dans le rang. Mais voilà, elle a été aussi une militante. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la richesse de sa discographie en fait vraiment une personnalité à part, puisque, évidemment, se battre aussi pour les droits des Noirs, c'était aussi se battre pour le droit des Noires femmes, et que dans le monde musical un petit peu misogyne de l'époque, c'était pas facile d'œuvrer contre le racisme et contre le sexisme en même temps. Donc voilà une belle carrière et une belle lutte. Donc on va écouter un extrait de cet album que Marion Rampal a voulu dédier à Abbey Lincoln. Le premier morceau qu'on va écouter s'appelle Holy Earth, dont j'ai pris une version qui est pas sur l'album elle-même, c'est une version en live qu'ils ont enregistrée pour présenter l'album. Et donc elle y est accompagnée de son complice habituel aux guitares depuis au moins 2 albums, Mathis Pasco, qu'on avait eu le plaisir de recevoir à Jazz en Touraine en compagnie de Marion Rampal, mais aussi en compagnie de Hugues Coltmann un an auparavant. C'est un habitué du festival et c'est vraiment un personnage tout à fait sympathique et un guitariste exceptionnel. Et c'est lui aussi qui réalise l'album, qui le produit artistiquement. Il y a Raphaël Chassin à la batterie, il y a Simon Tailleux à la contrebasse et Thibaut Gomez au piano et clavier, et bien sûr Marion Rampal aux arrangements et à la voix. On va donc écouter ce morceau et puis ensuite on écoutera la version originale, mais on reparlera entre les deux. Donc Holy Earth par Marion Rampal dans son hommage à Abbey Lincoln. A mural Obstructed natural barrier witnessed from the sky. Clouds that cast a single shadow drifting, moving on the ground. Geometric grace, circles, squares, sometimes triangles, rules and lines in space, waterways and craggy mountains seemingly reveal a plan, just as if somebody drew it with a giant hand. Oh, life's a repetition, it's an action of repeat, act of doing, act of saying something. C'était donc Marion Rampal, le titre c'était Holy Earth, un très très beau, une très très belle version enregistrée en live lors d'une présentation de l'album en compagnie de Mathis Pascoe, Raphaël Chasse, Saint-Simon Tailleux et Thibaut Gomez. Extrait de cet album Song for a Bay qui sort le mois prochain. Et puis comme on aime bien le faire dans cette émission, en général on va écouter maintenant la version originale par Abbey Lincoln, enregistrée en 1998 et sorti en 1999, donc un de ses albums les plus tardifs. Abbey Lincoln, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup œuvré pour les droits civiques dans les années 60 principalement, début 70. Ensuite, elle a eu un petit creux de carrière dans les années 80. Et puis, dans les années 90, elle est revenue signée sur le label Verve, notamment dans la filiale du label Verve qui s'appelait Gitane Jazz à l'époque, qui n'existe plus parce qu'évidemment, aujourd'hui, le nom Gitane est interdit de publicité, donc puisque c'était une marque de cigarettes. Et donc à l'époque c'était encore possible, aujourd'hui ça n'existe plus, donc aujourd'hui c'est revenu dans le giron complet de Verve. Et on attend, j'espère, la réédition de tous ces albums, parce qu'ils sont plus tous édités, et c'est bien, bien, bien dommage. Cet album, Holy Earth, il est sorti, donc je vous disais, en 1999. Elle y est accompagnée par beaucoup de grands artistes. Bobby Hutcherson au vibraphone, Mark Carey au piano, John Osmond à la basse, Alvester Garnett à la batterie, et puis il y a aussi Nicolas Payton à la trompette, James Hurt qui fait un deuxième piano, et Michael Bowie qui joue de la contrebasse aussi sur certains morceaux. Le morceau qu'on va écouter, c'est celui qu'on a écouté tout à l'heure par Marion Rampal et qu'on réécoute aujourd'hui dans sa version originale tout maintenant, Holy Earth, donc par Abbé Lincoln. actions done, actions written, action pressed upon our mind. Falling, moving in a circle, ghost spirit to sight, waving at us from the distance, 'cause the whole wide world is round and round and round and round. C'était donc Holy Earth par Abbey Lincoln, sorti en 1999 sur Verve. Voilà, vous avez pu comparer ces deux versions. Une version un petit peu plus douce par Marion Empale, un petit peu plus âpre, mais une douce âpreté, on va dire, par Abbey Lincoln, qu'on a eu en plus l'occasion de voir ces derniers temps au cinéma, puisque je vous en avais déjà parlé il y a une petite quinzaine de jours. Il y a un film qui est sorti, un film documentaire sorti notamment au studio à Tours, qui s'appelle Soundtrack to a Coup d'État. Et ce Soundtrack to a Coup d'État, ça raconte l'histoire justement de du passage un petit peu compliqué du statut de colonie belge du Congo au statut de pays indépendant, statut indépendant contrarié pendant plusieurs années par les États-Unis et la Belgique, qui voulaient s'accaparer les richesses du sous-sol du Congo. Et donc tout ce film tourne autour de cette lutte à laquelle ont participé notamment Max Roach et Abbey Lincoln, en participant à des manifestations. C'était une lutte pour le Congo qui avait beaucoup de retentissement aux États-Unis, parce que des liens s'étaient créés entre notamment Malcolm X et puis Patrice Lumumba, le leader congolais, qui avait été élu Premier ministre à l'époque de l'indépendance là-bas. Et toute cette lutte a été suivie de près par les artistes américains et par Malcolm X à partir de leur base de Harlem. Et donc tout ce documentaire, qui est vraiment passionnant, revient sur ce point de l'histoire, et notamment lors d'une réunion de l'ONU, une manifestation emmenée justement par Abbey Lincoln et Max Roach pour protester contre le fait que Lumumba avait été arrêté et exécuté en 1961 au Congo. Donc vraiment un film très intéressant, politiquement, musicalement, parce qu'il est sur toute la longueur un petit peu orchestré par la musique de jazz. Et on retrouve donc dans ce documentaire un très très beau morceau qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Freedom Day. Ce Freedom Day, en fait, était sorti à l'époque en 1960 sur l'album de Max Roach, qui s'appelait Freedom Sweet Now We Insist. Donc une sorte d'album qui est pratiquement le premier album entièrement consacré au protest song, quoi, en fait. Une musique instrumentale et chantée qui revient justement sur la lutte des Noirs américains à l'époque, et donc dans laquelle chante bien sûr Abbey Lincoln. Et cet album a eu une importance énorme, mais on va en écouter une version qui n'est pas sur l'album. C'est une version enregistrée live justement à la télévision belge en 1964. Alors c'est c'est marrant en même temps que ça soit à la télévision belge, puisque le couple Abel-Lincoln-Max Roach s'était battu justement pour l'indépendance du Congo belge en 1960-61. Donc voilà, c'est un petit peu un retour à la normale et un petit peu une forme de peut-être d'excuse de la part de la radio-télévision belge d'accueillir comme ça Max Roach et Abel-Lincoln en 1964 pour interpréter cette chanson Freedom Day, donc le jour de la liberté, qui faisait directement écho justement à cette lutte au Congo. On y retrouve Max Roach à la batterie, Abel Lincoln bien sûr qui chante, Clifford Jordan au saxophone, Coleridge Perkinson au piano et Eddie Kahn à la basse. Écoutez, c'est vraiment d'une pureté splendide. Really true, we're free. C'était donc Freedom Day, interprété à la radio-télévision belge en 1964 par Abbey Lincoln qui chante, et puis Max Roach à la batterie en compagnie de Clifford Jordan au saxophone, Coleridge Perkinson au piano et Eddie Kahn à la basse. Vraiment un morceau très, très prenant. Cette sorte de chant qui est un peu un cri, une ode à la liberté, vraiment très, très, très, très belle, très pure. Alors, dans ce film, justement, Soundtrack to a Coup d'État, il n'y a pas que Abbey Lincoln, il y a aussi... Et moi, j'ai découvert l'existence de cette musicienne, parce que je ne connaissais pas son nom, ni son parcours. Et quel parcours ? Une certaine Melba Liston, qui est évoquée dans ce film, parce qu'on parle beaucoup aussi d'autres musiciens qui se sont impliqués dans la lutte pour le Congo et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, et en l'occurrence d'un certain Dizzy Gillespie. Et dans le groupe de Dizzy Gillespie, en fait, on retrouve une certaine Melba Liston. Melba Liston, qui est une tromboniste. Alors, voilà, une femme dans le jazz, déjà, à l'époque, en tant qu'instrumentiste, c'est pas courant, mais en plus, elle joue d'un instrument qui n'est pas non plus celui qu'on met le plus en avant, c'est le trombone. En fait, elle a commencé dès l'âge de 7 ans, où sa mère lui offre un trombone, et elle commence à en jouer comme ça, en autodidacte. Et puis, à l'âge de 10 ans, sa famille déménage à Los Angeles, et là, elle va étudier la musique en compagnie de gens comme Dexter Gordon ou Eric Dolphy, qui sont sur les mêmes bancs de l'école de musique qu'elle. Donc voilà, ça fait quand même de sympathiques corrélations, on va dire, pour apprendre la musique. Ensuite, à 18 ans, et bien, carrément, elle intègre un big band. Gerald Wilson, c'est la première femme à jouer dans un big band à l'époque, puisque les big bands, comme souvent dans le milieu, sont toujours constitués d'hommes. On connaît pas beaucoup de gens. Et ensuite, elle passe carrément donc dans le big band de Dizzy Gillespie, où elle côtoie quand même d'autres musiciens qui vont devenir très très célèbres, comme John Coltrane et Paul Gonsalves. Et puis ensuite, elle intégrera carrément le big band des big bands, celui de Count Basie. Donc vous imaginez bien que son niveau de trombone est quand même énorme, mais elle n'est pas que tromboniste, elle est aussi arrangeuse, parce que comme elle a fait une longue carrière, un long apprentissage dans des écoles de musique, en fait elle lit, elle sait écrire la musique sans problème, et donc elle va non seulement jouer dans tous ces orchestres que je vous ai cité, plus après celui de Dexter Gordon, celui de John Lewis, même celui de Billie Holiday, et bien à chaque fois elle va composer et arranger certains morceaux pour ces musiciens-là, et pas toujours reconnus. C'est-à-dire que notamment un certain Quincy Jones va l'engager pour son album Birth of a Band, et il va signer lui-même les arrangements que Melba Liston avait écrit de sa propre plume. Donc voilà, c'est aussi une des habitudes de l'époque. Hein. Les petites mains sont utilisées comme ça pour faire les arrangements qui sont après signés par le grand chef. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà, ça permet au chef d'orchestre de prendre un petit peu plus d'argent au passage, mais ça met sous les teignoirs des carrières de musiciens ou de musiciennes comme cette Melba Liston dans l'histoire du jazz. Et voilà, vous voyez que aujourd'hui, moi, je découvre Melba Liston à plus de 60 ans je me dis, bon voilà, c'est quand même dommage que ces noms là n'aient pas été reconnus à leur juste valeur à l'époque. Voilà. Elle aura donc petit à petit fait pas mal d'albums et participé à beaucoup de travail, et notamment sur la fin de sa vie, avec Randy Weston, avec lequel elle aura travaillé de 1958 jusqu'à 1998. Les derniers albums de Randy Weston sont arrangés par Melba Liston, une carrière des années 40 jusqu'aux années 90, même 2000, aura été vraiment très importante. On va écouter donc un extrait d'un de ses albums qui sorti en 1960 qui s'appelait Miss Melba Liston and Her Bones. Donc en 1960, c'est aussi là que se situe l'action du film Soundtrack to a Coup d'État. C'est aussi pour ça qu'on en parle, c'est qu'elle accompagne Dizzy Gillespie à l'époque dans ses combats aussi pour les droits civiques. Et donc le morceau que je vous ai choisi extrait de cet album là, c'est un grand standard, s'appelle The Chorley Song, morceau écrit pour Judy Garland en 1944 par Ralph Blaine et Hugh Martin. Elle y est accompagnée de George Joyner à la basse, de Charlie Persip à la batterie et d'un certain Kenny Burrell à la guitare. Et puis il y a carrément quatre trombonistes, Melba Liston elle-même, Al Gray, Benny Green et Benny Powell sur ce morceau Chorley Song par Melba Liston. Melba Liston, donc une bien intéressante musicienne que j'ai découvert donc dans ce Soundtrack to a Coup d'État, un film qui ne passe peut-être plus au studio maintenant que cette émission est enregistrée, mais bon, il est possible que y revienne un jour, parce que c'est vraiment un très très beau documentaire. Donc si jamais vous le voyez passer, surtout vous n'hésitez pas. Mais bon, je suppose qu'il doit être disponible sur des plateformes de streaming quelconques. Voilà, je vous laisse faire la recherche pour ça. Je ne suis pas très fort sur les plateformes de streaming personnellement. Voilà pour ce qu'on pouvait dire autour de Abbey Lincoln, Melba Liston et toute cette actualité liée à la fois à ce Soundtrack to a Coup d'État, mais aussi à la sortie de cet album de Marion Rampal. Parmi les autres sorties de ces jours-ci, il y a un nouvel album de Camille Berthaud qui vient, qui s'appelle Voth et Vothes, donc avec pas mal de morceaux enregistrés au Brésil et dans les pays hispaniques aussi. Donc on y retrouve un petit peu la voix mutine de Camille Berthaud, sautillante, qui sait nous mettre la pêche. On y reviendra très certainement dans les semaines qui viennent. Un nouvel Tilbrunner aussi, qui s'appelle Malia, un nouvel album donc de ce chanteur et trompettiste norvégien. Alexandre Millet qui revient avec un album qui s'appelle At Home, et puis Une petite curiosité qu'on va certainement écouter un de ces jours aussi dans cette émission. Brian Jackson, qu'on a pas mal écouté ces derniers temps aux côtés de Ludivine Sambour, la flûtiste française de jazz un peu soul funk, qui avait fait un magnifique album qu'on avait fait en gros coup de cœur. On a dû passer au moins 3-4 morceaux de cet album-là et qui tourne énormément et de temps en temps avec Brian Jackson. Donc musicien qui a accompagné pendant les années 70 pas mal de monde, mais surtout Gil Scott-Heron dans toute sa carrière. Et bien lui-même, Brian Jackson, ressort un petit EP avec des mix de jazz, de hip-hop, etc., qui s'appelle EP One, donc le premier EP. Faut espérer qu'il y en aura d'autres à la suite. Donc ça, on en reparlera très certainement aussi. Tout bientôt également, une réédition du tout premier album de Sylvain Luc, qui n'avait pas été édité depuis de longues années. Donc le guitariste français décédé l'année dernière revoit cet album PIA réédité. Il y a un Théo Blackman aussi qui sort, un nouveau Henry Threadgill aussi. Et puis, on y reviendra très certainement aussi, un nouvel album des Butt Shakers qu'on avait eu le plaisir de recevoir à Jazz en Touraine il y a 2-3 ans. Donc un groupe un peu plus soul rhythm and blues avec une superbe chanteuse, groupe originaire de Lyon, mais la chanteuse elle est américaine. L'album s'appelle Lessons in Love et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, ces gens-là. Voilà pour la rubrique à bac à disque de ces temps qui courent. Et on va revenir un petit peu au coup de cœur, parce qu'il y a plein de sorties, on est en pleine rentrée là. Et on va écouter un extrait d'un nouvel album qui est signé du violoniste Mathias Lévy, qui sur cet album est accompagné sur toute la longueur de Lou Tavano. Alors Mathias Lévy, habituellement, il faisait des albums plutôt instrumentaux, avec souvent pas mal d'influences qui venaient du klezmer ou du tzigane, etc., ou du jazz à Stéphane Grappelli, etc. Là, donc, il s'adjoint la chanteuse Lou Tavano, donc c'est un album entièrement chanté, à part un morceau, et voilà, il y développe en fait un jazz chanté très un peu cérébral, mais qui garde quand même son côté un petit peu ludique. Ils y sont tous les deux accompagnés de Sébastien Gignot, guitariste et violoncelliste extraordinaire, qu'on a déjà accueilli un certain nombre de fois sur Jazz en Touraine, qui avait participé l'année dernière à l'hommage à Boris Kurtz, justement, avec les yeux noirs, que j'avais vu aussi une fois remplacer au pied levé Birelli Lagrène sur un trio en compagnie de Didier Lockwood et de Richard Galliano. Vous savez, quand vous êtes prévenu le matin même que vous devez remplacer un autre guitariste au sein d'un trio avec deux pointures comme ça, faut avoir quand même un sacré bagage pour pouvoir le faire sans que personne ne s'aperçoive de rien. Et c'est ce qui s'était passé, si ce n'est qu'on avait tous découvert un super guitariste. Ce soir-là, il y a Jean-Philippe Viré à la contrebasse et Laurent Derache à l'accordéon, donc un bon groupe qui pourrait presque être un all-star. Le morceau qu'on va écouter, c'est le morceau qui donne son titre à l'album, c'est le Chant Song. Donc ça vient juste de sortir, Mathias Lévy et Lou Tavano, Chant Song. Chanson de rivière, river garden, river, petite house, little maison, chanson, chanson, chanson, blue song, et oiseau bleu, et bird, oiseau, blue song, red song, moon, lune, chanson de rivière, river garden, river. Petite house, a little maison, chanson, chanson, chanson, blue song, et oiseau bleu, et beurre d'oiseau. Oh girl, feel, oh yes, je t'aime, oh Oh, yeah. Voilà, c'était Mathias Lévy et Lou Tavano, Chan Song, sur ce nouvel album qui vient juste de sortir. Avec, vous avez pu voir cette voix assez saisissante de Lou Tavano qui vous saisit comme ça, qui vous prend et qui ne vous lâche plus. C'est vraiment tout à fait étonnant. Alors, un autre chanteur qu'on a l'habitude d'écouter aussi dans cette émission, qui revient encore avec un nouvel album, c'est Kurt Elling. Kurt Elling, on l'avait redécouvert avec son retour en grâce il y a 3 ans à peu près, avec les albums en compagnie de Stanley Jordan, le guitariste, qui était absolument extraordinaire, une sorte de fusion entre jazz, soul, mais avec vraiment un côté, voilà, le crooner qui fait de la soul. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Là, il s'est mis depuis 2-3 ans à faire des albums qui s'appellent tous Wildflowers. Donc là, c'est le troisième de la série. Le précédent était plus intimiste, enregistré à la maison, tranquille, avec juste un accompagnement de guitare et tout. Celui-ci est en compagnie du pianiste Christian Sands, qu'on a déjà fait d'ailleurs aussi en coup de cœur ici. Christian Sands, donc, qui l'accompagne sur cet album White Flowers numéro 3, qui est vraiment un vrai bonheur, parce qu'ils s'y font plaisir. L'album est assez court, hein, ça fait une trentaine de minutes, guère plus, mais ils sont vraiment au diapason tous les deux, ils se répondent très bien, et vous allez pouvoir vous en rendre compte sur ce morceau qui s'appelle Song of the Rainbow People, qui est vraiment une petite merveille, où la bonne grosse voix bien posée de Kurt Elling répond à la délicatesse de la partie piano de Christian Sands. Kurt Elling, donc Song of the Rainbow People. To make it right, another night to light the light, to give our best to the righteous fight. So if you still got the stones to lay one more bet, then you still got the vibe to catch one more set and taste the thrill. Because what comes clear through the grime. Sounds like fear and smells like crime. Like a common story's lost its rhyme, and we are running out of time. Like we are running out of time. The stones to lay one more bet, then you still got the vibe to catch one more set and taste the thrill and the beautiful sweat. C'était donc Kurt Elling en compagnie de Christian Sands au piano, extrait de cet album qui vient juste de sortir, la White Flowers numéro 3, Song of the Rainbow People. Donc un beau, bel exercice de style entre deux musiciens qui ont déjà de la bouteille tous les deux et qui nous emmènent avec eux avec vraiment un vrai, vrai beau plaisir. Il y a aussi sur cet album une très très belle version de Blue Monk, de Thelonious Monk, entièrement en jazz scat. Le Kurt Elling se fait plaisir à faire du scat, et ça, il le fait très très bien sur ce morceau-là. On aura peut-être l'occasion de l'écouter un de ces jours, parce que c'est un vrai petit bonheur, mais bon, il fallait que je choisisse entre les morceaux, et j'ai choisi ce Song of the Rainbow People. Mais à l'occasion, on ira réécouter cette petite merveille de Blue Monk par les deux musiciens. Voilà un petit peu, on va passer à l'agenda concert maintenant. Agenda concert assez riche ces temps-ci. Il y a beaucoup de choses, notamment au Petit Faucheux avec Maddie Coombs, qui est une saxophoniste anglaise qui fait partie de ce conglomérat qui s'appelle Tomorrow's Warriors, les guerriers de demain, qui sont toute cette nouvelle scène anglaise de jazz qui a aussi intégré tout ce qui est hip-hop, soul, funk, etc. dans sa musique, et qui au gré de concerts un peu impromptus sur les différentes scènes de Londres fait évoluer à la fois les ensembles qui y jouent et puis la musique elle-même, avec aussi beaucoup d'influences africaines dans leur musique. Donc ça risque d'être très intéressant. Ça, c'est le 5 novembre au Petit Faucheux. Et puis le 13 novembre, il y aura Chris Davis en compagnie de Robert Hertz à la contrebasse et Jonathan Blake à la batterie. Jonathan Blake, là aussi, un habitué de cette émission avec ses albums solo. Donc ça va être très, très, très bien. Et puis, il y aura le Festival Émergence, là, qui arrive aussi avec tout un tas de scènes, de jeunes de la scène tourangelle et autour, répartis entre le Petit Faucheux et le Bateau Ivre. Le Bateau Ivre, on retrouvera aussi le FJL Big Band le 19 novembre. Et puis les Lehman Brothers, qui viendront présenter leur nouvel album le 29 novembre. Et puis, si vous aimez aller un petit peu plus loin, eh bien, il y a ce superbe festival qui s'appelle Jazz Nevers. C'est un joli programme qui nous annonce là au fil du temps. Donc ça va du 8 novembre au 15 novembre, où il y aura des gens comme Flash Pig, Young Soon Na et Bojan Z, Naysam Jalal, Vincent Courtois, Clément Janinet, l'Orchestre National de Jazz qui joue Carla Bley, donc ce qu'ils avaient présenté le 12 septembre au Petit Faucheux en ouverture de saison. Il y a aussi Lagon Noir, il y a Sylvain Cassap, il y a Laurent Maure, il y a Régis Subi, il y a Maher Beaurois, il y a Legacy, le tribute à Steve Lacy de Eric Lehrer, il y a le Chris Davis Trio, donc qui passera là-bas après être passé au Petit Faucheux, et puis il y a aussi Camilla Djoubran, Sarah Murcia, Emmanuel Beck, dans son hommage à Eddie Lewis, qu'on a fait en coup de cœur en début d'année ici, et puis le dernier concert, c'est carrément Monty Alexander, le fantastique pianiste, pour le dernier album duquel on avait fait aussi un gros coup de cœur et une grosse rétrospective il y a environ 6 mois. Donc voilà un beau programme que ce Jazz à Nevers. Ça a lieu donc du 8 au 15 novembre. C'est pas très très loin d'ici. Si vous avez envie, n'hésitez pas à aller là-bas. Un autre coup de cœur que j'ai eu aussi et qui est lié au concert, c'était donc le concert de Poetic Ways qui a eu lieu au Petit Faucheux aussi fin septembre par contre. Et Poetic Ways, c'est un groupe emmené par Raphaël Imbert, le saxophoniste, et dans lequel il y a une voix absolument superbe qui est celle de Célia Kameni qui a déjà quelques années de carrière derrière elle, mais qui n'est pas encore suffisamment connue, sauf qu'elle devient connue parce qu'elle vient juste de décrocher la victoire du jazz dans la série Jazz Vocal, et c'est bien mérité. Parce que vraiment, la performance qu'elle a faite ce soir-là avec le groupe Poetic Ways, c'était absolument étonnant. Elle a une voix très douce, très mélodieuse, très cool. Elle ne la force jamais. Tout se passe dans l'intensité de l'intention, je dirais. C'est-à-dire, elle chante vraiment avec son âme, avec ce qu'elle a dans le corps. C'est tout à fait étonnant à voir. Elle fait penser un petit peu par moment à rien moins que Nina Simone, dont elle nous a repris d'ailleurs le Feeling Good avec. Faut quand même avoir de l'aplomb pour reprendre ce titre-là et en faire un moment vraiment qui nous a fait tous dresser les poils dans la salle. Donc Celia Kameni, elle n'a pas sorti de disque physique pour l'instant, elle a sorti que des petits EP qui sont que sur les plateformes de streaming, mais je vous invite vraiment à aller les écouter, même si c'est différent de ce qu'elle nous a fait ce soir-là. Je voulais vous faire écouter cette voix avec un extrait de son EP qui s'appelle Méduse. Je vous ai choisi le morceau I Do. Vous allez voir, c'est vraiment très, très doux. c'est pas un mauvais jeu de mots. Elle y est accompagnée par du joli monde, Julien Loutelier à la batterie, Gianni Caserotto à la guitare, Juliette Serrad au violoncelle, Thibaut Gomez au clavier et elle-même donc Celia Kameni à la voix. Je vous laisse en compagnie donc de Celia Kameni. Memories are like tattoos on my skin. The pain is gone, only remains a charm. And ink is still blue. Blurry are the lines of the reason why I decided to draw this picture of you. I think I don't want to forget you, but I do, I do, I do. No, I don't want to forget you, but I do. Celia Kameni, le morceau I Do, extrait de ce petit EP uniquement en dématérialisé, donc sur les plateformes de streaming. Vraiment une belle chanteuse. On espère qu'elle aura l'occasion d'enregistrer un petit peu plus avec les différentes formations avec lesquelles elle travaille, parce qu'il y a des choses complètement différentes. Ce que vous venez d'écouter est complètement différent de ce qu'elle faisait avec Poetic Ways, le groupe de Raphaël Imbert, le soir de leur concert au Petit Faucheux, mais vraiment très, très, très intéressant. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Je remercie encore Vincent d'avoir assuré la technique avec Brio. Et n'hésitez pas à réagir à cette émission, soit sur Facebook, sur le Osé Jazz à tous les étages, ou sur Instagram, sur le Osé Jazz tout court, sur Instagram, pour dire ce que vous en pensez, et ce que vous avez aimé ou pas aimé dans cette émission. On va se quitter comme d'habitude avec une réédition. L'édition d'un pianiste assez exceptionnel qui n'est pas suffisamment connu, et pourtant Dieu sait qu'il a eu une grande carrière, souvent comme accompagnateur. Il a travaillé avec Buddy DeFranco, avec Coleman Hawkins, avec Milt Jackson, avec Charlie Parker, avec Buddy Rich, avec Dinah Washington, et on le retrouve notamment aussi sur un des plus grands albums de l'histoire du jazz, puisqu'il est l'accompagnateur de John Coltrane sur le fameux album Blue Train, enregistré pour Blue Note en 1959. Donc vraiment un beau moment de l'histoire du jazz. Sur cet album qui vient d'être réédité, qui s'appelle le Kenny Drew Trio, tout simplement, eh bien, il enregistre avec justement le groupe, le trio qui accompagne John Coltrane sur le Blue Train, c'est-à-dire Paul Chambers à la basse, Philly Joe Jones à la batterie. Donc en gros, on peut dire que ce trio, c'est une sorte de Rolls-Royce du jazz. Hein, ça peut faire que des bonnes choses. L'album a été enregistré un petit peu avant celui de Blue Train, en 1956, publié sur le label Riverside. Et on y trouve même aussi un petit clin d'œil à une des grandes mécènes du jazz, la baronne Panonica de Königswarter, qui défendait toujours les musiciens de jazz sur la scène de New York, et notamment Thelonious Monk. Elle a vraiment pris sous son aile pour l'aider à percer dans le milieu du jazz, mais elle était aussi une grande admiratrice de Kenny Drew, autre pianiste. Elle devait avoir une petite amour particulier pour les pianistes. Et donc voilà, il y a sur cet album un morceau qui s'appelle Blues for Nika, Nika étant le surnom de Panonica de Königswarter, parce que c'était un petit peu compliqué comme nom à suivre. Panonica, donc, qui était quand même une héritière de la famille Rothschild, etc. Donc quelqu'un qui était vraiment issu de la grande noblesse européenne, et qui s'était exilé aux États-Unis et qui vivait une vie un petit peu à l'écart du monde dans lequel elle avait grandi. Donc on va écouter le morceau Weird O, extrait de cet album de Kenny Drew. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain, 21h-22h, comme d'habitude, pour Osé Jazz à tous les étages. À très bientôt, je vous laisse en compagnie de Kenny Drew, Weird O.